بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم. دونك لدينا فوا لعلكم تذكرون أخذنا 5 أشياء دون مسألة العلم، المرتبة العلم. On avait dit que les مراتب du قدر sont de 4. En premier, le ilm, après le kitaba, après le mashia, la volonté, thumma el khalq, puis la création. Et on s'est arrêté dans martabat el kitaba, qui est l'étape de l'écriture. Et dans cette étape de l'écriture, on avait dit qu'il y avait 5 points également, que cette étape elle-même était composée de 5 points. Dans les taqadir, la prédestination. D'accord? On avait dit que celle-ci était au taqdir. Al-Azali, qui est la prédestination depuis toujours. Celle que Allah Azawajal a faite avant de créer les cieux et la terre. Ensuite, on avait dit la deuxième, c'est taqdir al-Umari. Al-Umari, qui est le taqdir, la destination du temps de vie. Et ça, c'est au moment où Allah Azawajal a pris l'engagement des fils de Adam. Ensuite, on avait dit qu'il y avait un deuxième taqdir, l'Umri, et ça, c'est au moment où Allah Azawajal envoie l'ange insuffler le souffle de vie lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère au bout de 4 mois. Ensuite, quatrième, il y avait taqdir l'Hawli, qui est la prédestination annuelle sur l'année. Et celle-ci, elle a lieu pendant Laylat al-Qadr. Et ensuite, il y a Taqdir al-Yawmi, celui qui est quotidien. D'accord ? Et là, maintenant, on va prendre les adillas de ces maratib. Inch'Allah. Yaqul fi sual al-43 ba'd al-mi'ah, 143e question. Ma dalil al-Taqdir al-Azali. Donc maintenant, c'est quoi la preuve du Taqdir Azali, celui de toujours ? قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Il a dit qu'il n'y a pas un mal qui ne vous ait touché sur terre ou en vous-même sans qu'il n'était inscrit dans un livre auparavant, avant que nous ne le crions. Sourate al-Hadid, le fait à verset 22. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مكادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. Donc il a dit que Allah Azza wa Jal a écrit la prédestination de toute chose, toute créature, avant qu'il ne crée même les cieux et la terre de 50 000 ans à l'avance. Et son trône était sur l'eau. Ensuite, قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Et lorsque Allah Azza wa Jal a créé la plume, et en réalité la plume a été créée après le arche, selon la vie authentique, c'est que c'est le arche, le trône, qui était créé en premier. Et lui a dit, Allah dit à la plume, écris. La plume a dit, oh mon Seigneur, que dois-je écrire? Il a dit, écrit la destinée de toutes choses avant que ne vienne l'heure. Tout ce qui se passera avant que ne vienne l'heure. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya Abu Huraira jaffa al-qalam bima huwa ka'in. Et que al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira que la plume a séché, c'est-à-dire ce qui a été écrit a séché pour tout ce qui aura lieu. C'est écrit. ثم في السؤال الرابع وأربعين بعد المئة 143e question. ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق. Donc maintenant il dit c'est quoi la preuve de la destinée de la vie, temps de vie. Ça c'est la première, parce qu'on a dit qu'il y en avait deux. D'accord. L'une lorsque Allah Azza wa Jal a pris l'engagement envers le fils de Adam, et la deuxième, on l'a dit lorsque l'ange sera envoyé. Donc là, on prend la première. Lors de l'engagement, al-mithaq, قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Lorsque ton Seigneur a pris l'engagement des fils de Adam en les sortant de son dos, leur faisant témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit si, nous témoignons, nous attestons. Surat al-A'raf, verset 172. Il fut rapporté qu'il y a un homme, ou plutôt Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est interrogé à propos de ce verset. D'accord? Et il a dit, Samiatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yus'alu anha. Donc il dit que j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam être interrogé au sujet de ce verset. Et il a dit, إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه ثم استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل النار يعملون. Donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que lorsque Allah عز وجل a créé Adam, il lui a touché le dos, comme essuyer le dos, avec sa main droite. Et écrit avec sa droite. Tu vois, avec sa droite. Et ensuite, il en a sorti sa descendance. Comme on dit ce genre de situation, on ne demande pas un pourquoi, on ne demande pas un comment. C'est les choses qui ont lieu dans des choses qui relèvent de l'invisible, dont les réalités ne sont pas les mêmes que les nôtres. D'accord ? Donc c'est des questions à ne pas se poser. Pas commencer à devenir... à chercher une logique là où il n'y en a pas. D'accord? C'est des choses qui ne sont pas de notre conception mondaine. Des choses qui sont passées auparavant. Donc de là, Allah Azzawajal a sorti, comme on l'a dit, de sa descendance, et il a dit, j'ai créé cela pour le Jannah, et ils œuvreront des œuvres du Jannah, des gens du Jannah. Ensuite, tu lui suis le dos, et là, il dit pas Bishemali. Parce que Allah Azawajal, en réalité, l'attribut de la main gauche, il n'y en a pas de dalil. Le seul dalil qui était cité, et pourtant il est dans Muslim, il était remis en question. Et il y a un hadith d'Ibn Omar dans lequel il dit qu'il tayadei yamin, que ses deux mains sont des mains droites. Allah Azawajal. Non, ça c'est une faïda, pour ceux qui ne savaient pas. Donc il a dit qu'il a issué le dos de Adam, puis en a sorti de sa descendance. Et il a dit, j'ai créé cela pour le feu, ils œuvreront selon les œuvres des gens du feu. Non. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذا كتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا قال فالذي بيده اليمنى وقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شمالي هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما نعمل أو ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. Donc il a dit dans ce hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour avec dans sa main deux livres. Et il a dit à ses compagnons, savez-vous quels sont ces deux livres? Et ils ont dit, nous ne le saurons si ce n'est que tu ne nous en informes. Donc il a dit, voici un livre du Seigneur des mondes qui contient les noms des gens du paradis et les noms de leurs pères et de leurs tribus, qu'ils ont tous cités du premier au dernier, et que nul ne sera rajouté, ni ne sera retiré. Ensuite, il dit la même chose à propos du livre dans sa main gauche. Sauf qu'il dit que dans ce livre-là, dans la main gauche, qui vient d'Allah Azawajal, il se trouve les noms des gens du feu et des noms de leurs pères, de leurs tribus. Tous y sont cités du premier au dernier. Et nul ne saura rajouter ni enlever. Ensuite, les sahabas, ils ont dit, alors, où est l'intérêt de vrai? Vu que la chose a déjà été décrétée. Il a dit, dans le sens, saddidu wa qaribu, c'est-à-dire agissez en mesure de vos capacités. Car celui qui est voué au Jannah, il finira par les œuvres des gens du Jannah, quoi qu'il ait fait auparavant. Et celui qui est voué au feu, d'accord, il fera les œuvres du feu, il finira par sur les œuvres du feu, quoi qu'il ait fait auparavant, comme acte, en fait. Et vous le savez, on précise, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal bil khawatim, les actes, en fait, qui sont décisifs pour le serviteur, c'est les actes qu'il a fait avant de mourir. Car vous le savez, une personne, comme dans le hadith qui va venir, a pu avoir fait des œuvres du Jannah toute sa vie, avant de mourir, elle a fait les actes des gens du feu, et c'est ça qui sera pris en compte. Tout comme le contraire. Des gens ont pu faire des actes des gens du feu toute leur vie, et avant de mourir, ils ont fait les actes des gens du Jannah. Donc on ne dit pas, il a fait ça auparavant, non. Une fois qu'il a fait les actes des gens du Jannah, tout le reste a été effacé. Le mal qu'il a fait. Et celui qui a fait des actes du Jannah, le jour où il aura, par exemple, apostasie ou quoi, tout ce qu'il aura fait auparavant sera effacé. Et sera pris en compte les actes qu'il aura fait avant de mourir. Maintenant, celui qui aura fait ces actes-là, tout son temps de vie jusqu'à la mort, tout sera pris en compte, bien sûr. Qui aura été des gens du Jannah, du début jusqu'à la fin, tout sera pris en compte. Et celui qui aura fait les œuvres des gens du feu toute sa vie, tout sera pris en compte. Mais ce qui est décisif, c'est la fin. Principalement, la fin. Donc il a dit après, dans ce hadith, que Allah Azawajal a décrété qu'il y aura deux groupes. Un groupe au paradis et un groupe au feu. Ça, c'est le décret définitif. Non. Donc là, c'est ce qui concernait l'épreuve sur le taqdir, la destinée de la vie par rapport à l'engagement pris avec les fils de Adam. Maintenant, il dit dans la Fissuwal Khamis wa Arba'in Bardalbiya, 145e question. ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النقطة والنطفة عفوا النطفة. Donc il a dit maintenant c'est quoi la preuve justement de cette destinée de vie qui a eu lieu lorsque la goutte, c'est-à-dire la goutte de sperme, est rentrée dans l'utérus. Ensuite, il y a eu l'adhérence, ensuite il y a eu un bout de chair, et ensuite ça a été le fœtus. قال الله تعالى وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Dans le sens où Allah dit, et qu'il est plus savant à votre sujet, alors qu'il vous a sorti de la terre, et lorsque vous étiez encore des fœtus dans le ventre de vos mères. Alors ne vous vantez pas vous-même, ne vous recommandez pas vous-même, et Allah est plus savant de qui craint réellement. An-Najm, l'étoile, verset 32. Au fil sahihain, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Le fameux hadith que vous connaissez, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que vous êtes constitué dans le ventre de vos mères, d'accord, durant 40 jours, une goutte, c'est-à-dire une goutte de sperme. Ensuite, pendant la même durée, vous êtes une adhérence. Ensuite, pendant la même durée, un bout de chair. Donc là, ça fait 3 fois 40 jours. Donc ça équivaut après à Attendez. Non. On reprend. Donc, ça fait 3 mois. Oh, 4 mois, enfin. 4 mois, comme on a dit. 4 mois, d'accord. Et de là, l'ange est envoyé. Ensuite, l'ange, il lui ordonnait de faire 4 choses. Il insuffle le souffle de vie et il lui ordonnait de faire 4 choses, d'écrire 4 choses. D'écrire la subsistance. En premier lieu du fœtus, de cet enfant. Ensuite, d'écrire les œuvres qu'il va faire. D'accord ? Et est-ce qu'il sera parmi les gens de la réussite ou les gens de la perte ? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah. Il a dit que l'un d'entre vous fera les œuvres des gens du Jannah, jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le Jannah qu'une coudée. Et de là, son livre le rattrapera et se mettra à faire les œuvres des gens du feu et il y rentrera. Et le contraire, que l'un d'entre vous œuvrera des œuvres des gens du feu, mais ça, ce qu'il y a entre lui et elle, enfin elle, parce que je dis elle souvent, le feu, parce qu'à la base, en arabe, le feu, c'est féminin. D'accord ? Le feu, c'est féminin, donc des fois, entre la traduction, le français et l'arabe, quand on bascule, on fait pas attention. Donc, il reste entre lui et le feu une coudée, et de là, son livre le rattrape, et de là, il se met à faire les œuvres des gens du Jannah, il rentre au Jannah. Donc, il y a des gens, d'accord ? Cela est arrivé un instant avant de mourir. D'autres, c'est arrivé peu de temps avant de mourir. Et d'autres, c'est peut-être un an avant de mourir. C'est-à-dire, quelqu'un, peut-être, il a vécu 40 ans dans sa vie. Peut-être que pendant 20 ans, il a été kafir. Et les 20 dernières années, il a été muslim. Ou d'autres, ça a été, ça dépend. D'accord? Ça dépend. Ça a été peut-être peu, comme on l'a expliqué, peu de temps avant de mourir. Ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, certains ont fait les œuvres. Et ont fini sur les œuvres contraires à celles qu'ils faisaient au cours de leur vie, et ils en ont obtenu le résultat final. Soit le Jannah, soit le Nar. Taïb. Souma qala fi soura al-sadis wa arba'in ba'd al-mi'ah. Ma dalil al-taqdir al-hawli fi laylat al-qadr. Donc maintenant, c'est quoi la preuve de la destinée annuelle qui a lieu lors de laylat al-qadr, la nuit du destin. Qala ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina. Donc lors de cette nuit de Laylat al-Qadr, c'est de là que tout décret sage est décidé, est écrit plutôt on va dire. Et il dit un décret qui vient de nous. Sourate ad-Dukhan, fumée, verset 4 à 5. Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma yuktab min umm al-kitab fi Laylat al-Qadr ma yakunu fi as-sana min mawtin aw hayatin wa rizqin wa matar hatta al-hujjaj يقال يحج فلان ويحج فلان وكذا قال الحسن والسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم et Ibn Abbas il a dit par rapport à ce verset lui et d'autres mufassirun que dans le livre mère il y est inscrit lors de cette nuit Laylat al-Qadr tout ce qu'il y aurait dans l'année comme mort ou comme naissance, ou comme subsistance, comme pluie. Il a dit, même les gens qui feront le hajj, cela est inscrit qu'un tel fera le hajj cette année, ainsi de suite. Et cet avis a été également rapporté par d'autres gens du tafsir, parmi les gens fiables, des salafs. Taïeb. Donc, les lettres de Qadar, on y écrit ce qui se passera au cours de l'année. ثم قال في السؤال السابع والأربعين بعد المئة 147e question. Ma dalil et taqdir el yaomi. Donc maintenant, c'est quoi la preuve de la destinée quotidienne? Ce qui est écrit chaque jour. Qala Azza wa Jal, kulla yaomin wa fi sha'an. Et que chaque jour, il y a une situation. Verset 29, surat al-Rahman, miséricordieux. Et ce verset, justement, a été expliqué par Ibn Abbas comme étant que Allah Azza wa Jal écrit également sur chaque jour ce qui aura lieu. Donc maintenant, il va expliquer. وَكُلُّ أَدِي تَقَادِرْ كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أو عنهم قاله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. Donc maintenant, c'est quoi en fait toutes ces destinées? Elles sont juste des détails d'une destinée qui est celle qui est azalée de toujours, qui a eu lieu avant que Allah Azza wa Jal ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans, lorsqu'il a dit à la plume d'écrire. En fait, ça va comme du général au précis. Je sais pas ce que vous voyez. Ce qui a été écrit bien avant, c'est de façon générale et après ça se précise au fur et à mesure. Bien que Allah Azza wa Jal le savait déjà. D'accord? Il le savait déjà. Mais cette écriture, elle se fait de général au plus précis, au plus détaillé. Mais Allah le savait déjà. C'est de cette façon dont Ibn Omar et Ibn Abbas ont expliqué comment comprendre toutes ces destinées. Celle qui est de toujours, qui est la plus large, après celle qui est Amri, qui est celle de la du temps de vie. Celle-ci elle commence à être plus précise déjà. Ensuite, il y a celle qui est annuelle, qui a lieu à l'Laylatul Qadr. Celle-ci elle est encore plus précise. Et celle qui est quotidienne. D'accord? Donc, les choses sont écrites depuis toujours. Ensuite, elles sont écrites du temps de vie. Ensuite, elles sont écrites annuellement. Ensuite, elles sont écrites quotidiennement. نعم. ثم قال في السؤال الثامن وأربعين بعد المئة 148 question. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشكاوى والسعادة؟ Donc maintenant il dit qu'est-ce que cela implique? Tout ce qui a été précédé, qui a été écrit à l'avance et prédestiné à l'avance, comme ce à quoi est voué la personne, soit elle est vouée à la perte ou à la réussite. Qu'est-ce que cela implique par rapport à nous? Car souvent, les gens, vous savez, c'est une grande ambiguïté que les gens, ils ont, pour se dire, mais si tout est écrit, alors, pourquoi j'agis? D'accord? قال اتفق جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. Donc il a dit que tous les livres célestes, les livres qui ont précédé, même qui ont été par la suite altérés par le Coran, et que toutes les sunan des autres prophètes même venus auparavant, ils avaient tous leur sunna, chaque prophète avait sa sunna, mais celle qui nous incombe, c'est celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il en soit, que tous les textes religieux authentiques précédents sont tous d'accord que la destinée, d'accord, n'empêche pas d'œuvrer et n'appelle pas à se baser sur elle. Mais plutôt qu'elle appelle justement à fournir des efforts et à s'investir, à faire les causes pour pouvoir réussir. C'est pour cela que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est interrogé par les Sahaba, pourquoi agir? Il leur a dit, agissez car chacun sera facilité, c'est pourquoi il a été créé. D'accord? Naam. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعايش والميعاد قد يسر كل من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة وهو مهيئ له ميسر له. Que Allah Azza wa Jal justement a déjà tout prédestiné et il a déjà mis en place tout ce qui doit faire parvenir la personne pour arriver à sa destinée et il est sage de tout ce qu'il a décrété. Donc il a mis des causes dans ce bas monde ainsi que des comme on l'a dit des destinations finales et que chacun Allah Azza wa Jal lui a prédestiné d'agir pour pouvoir parvenir à cette destination finale. Seulement le serviteur ne la connaît pas comme on l'a expliqué, il ne connaît pas où est-ce qu'il doit aller. Donc à partir du moment où tu ne sais pas où tu vas finir, je veux dire. Astaghfirullah. Tu sais pas où tu vas finir, tu sais où tu dois aller mais tu ne sais pas toi où est-ce que tu vas finir. Donc, à partir du moment où tu as indiqué une route avec des indications qui te disent telle route va à ta destination, celle que tu atteins, et l'autre t'emmène ailleurs, d'accord? Toi, tu ne sais pas où tu vas finir, mais si tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas prendre la route qui t'indique la destination que tu as choisie. D'accord? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on agit. Donc, chacun doit agir. Chacun doit agir. Et justement, il a dit, لما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقى نستلقيها هل ترد هل ترد من قدر الله شيئا من قدر عفوا هل ترد من قدر الله شيئا قال لا هي من قدر الله Et le Nabi صلى الله عليه وسلم avait été interrogé par des sahabas qui disaient est-ce que lorsque l'on se soigne d'un mal ou qu'on fasse une ruqya d'un mal est-ce que cela peut repousser ce que Allah il a prédestiné il a dit non Mais ce médicament que tu as pris et cette roquette que tu as faite fait partie du qadar, justement. Ce sont des choses que Allah a prédestinées que tu devais faire. Non. وَقَدْ فَقُهَا هَذَا كُلَ الْفِقْهِ مَنْ قَالَ بِنَ السَّحَابَ لَمَّا سَمِعَ أَحَادِيثَ الْقَدَرِ مَا كُنْتُ أَشَدْ إِجْتِهَادًا مِنِّي الْآنِ Et justement, il a dit la personne qui a le mieux compris cette situation, cette mas'ala, cette question, justement, c'est comme l'a comprise l'un des sahaba, qui lorsqu'il lui a entendu les hadiths du Qadr, comme vous avez entendu aujourd'hui, et d'autres avant vous, qu'est-ce qu'il a dit ce sahabi ? Il a dit, depuis que j'ai entendu cela, je n'ai jamais fourni autant d'efforts pour pouvoir obtenir la réussite. Depuis que j'ai entendu ce hadith-là, donc contrairement à ce que les gens pensent, regardez les meilleurs des gens, ils ont entendu cela, donc ils ont fait quoi ? Encore plus d'efforts, ils ont redoublé d'efforts pour arriver à la destination. Quand ça dit, si jamais c'est le paradis qui m'a été accordé, alors je fais encore plus d'efforts et me sont facilités. Car moi, c'est ça que je veux, c'est le paradis que je veux. Donc je ferai tout pour y parvenir. Il a compris que si il le faisait, cela lui sera facilité. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il en fait encore plus. Il en fait encore plus. Non. Donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui, les hadiths de ces Maratib al-Khams. Et la semaine prochaine, on continuera dans... Il reste deux martabas du Qadr, il reste celle de... Al-Mashi'a, la volonté, et celle de l'Khalq, qui est la création. Naam. Et en guise de rappel encore, que demain, il y a la Muhadara sur les causes qui peuvent réduire ou priver du risque, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Naktafi bi hadha al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.